écouté les extraits des pièces qui ont quitté les Palmarès C'est fou depuis l'édition du 6 au 12 avril 2015. Et une pièce que j'avais choisi de jouer au complet. Nouvelle formule, vous aurez remarqué. Donc on a débuté avec Trio et Nick quelque part qui a duré 5 semaines. Puis Pat Brown et N'oublie pas la couleur qui a duré 8 semaines. Iltrons et Animal I Love You, 6 semaines. Et, finalement, Vietcong avec Continental Shelf qui a duré 5 semaines. L'extrait qu'on vient d'entendre au complet, c'était celui de The Airborne Toxic Event qui a duré seulement 5 semaines. La pièce s'appelle Wrong. Apparemment que ça n'a pas super bien fonctionné, mais moi j'ai bien aimé cette pièce-là. Donc, The Airborne Toxic Event qui a mérité sa place dans Palmarès Rest in Peace, qu'on fait juste après les nouvelles entrées en première heure des Palmarès C'est fou.